À son Excellence, le Président du Conseil. Confidentiel. Alger, le. Mon cher prince, nous avons sur les bras une bien mauvaise affaire, comme vous le verrez par la procédure que je vous envoie. En résumé, le baron Hulot d'Hervy a envoyé dans la province d'Oran un de ses oncles pour tripoter sur les gains et sur les fourrages, en lui donnant pour complice un garde-magasin. Ce garde-magasin a fait des aveux pour se rendre intéressant et a fini par s'évader. Le procureur du roi a mené rudement l'affaire en ne voyant que deux subalternes en cause, mais Johann Fischer, oncle de votre directeur général, se voyant sur le point d'être traduit en cour d'assises, s'est poignardé dans sa prison avec un clou. Tout aurait été fini là si ce digne et honnête homme, trompé vraisemblablement et par son complice et par son neveu, ne s'était pas avisé d'écrire au baron Hulot. Cette lettre, saisie par le parquet, a tellement étonné le procureur du roi qu'il est venu me voir. Ce serait un coup si terrible que l'arrestation et la mise en accusation d'un conseiller d'État, d'un directeur général qui compte tant de bons et loyaux services, car il nous a sauvés tous après la Bérésina, en réorganisant l'administration, que je me suis fait communiquer les pièces.